la la la la. À travers tes yeux, je peux le sentir. Fais pas le gamin, faut grandir. Plus le time, ouais, plus le time, ouais. Si je fous, je lâche tout. Vous me reconnaissez plus d'un coup. Serre-moi un coup. Je sais pas m'exprimer, j'ai du mal à parler. Je me vide plus, j'ai envie de cavaler. Cache ton boulmi, ça va mal aller. Ta voix me plaît, tes manières me rendent fait lé. Une bombe comme à la télé, lé. Ta tête, faut pas te la casser. C'est écrit, c'est tout tracé. Laissez-moi, je vais tout casser. Ça va partir loin, on va tout se tâcher. Mais pourquoi c'est dur de te défacer? Pourquoi on pense au passé? Tu as fait des sous, tu as braqué. Pourquoi tu as pas tout tassé? Les gamins, j'en ai plus cassé. J'ai laissé la touffe et je vais plus me raser. Y'en a marre de tout le temps se cacher. Je peux plus acheter le peu sans me faire flasher. Mais je vous aime car vous êtes ma team. Ça m'embête un peu, faut que vous le sachiez. Je vous en veux même pas, même si je suis fâché. Traîner au quartier, beaucoup m'ont lâché. Pour me soutenir, faut pas me rager. La la la la. Je n'en ai rien à cirer.